بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On va voir aujourd'hui inshallah ta'ala le dernier chapitre de ce séminaire et pas le dernier chapitre des interdictions concernant Riyad al-Salihin. Ça serait bien que à chaque fois on aborde un petit peu quelques chapitres de Riyad al-Salihin, ça nous ferait du bien. Ce livre il est très profitable et je trouve dommage que l'établir s'affilie ce livre. Je trouve très dommage que l'établir il s'affilie ce livre, comme si celui qui a écrit ce livre était un tabliri. Alors que pas du tout. Alhamdulillah, al-Hafiz al-Nawawi, ces livres sont connus et reconnus et ne faisaient pas partie de ce groupe et ce groupe n'existait pas à son époque. D'ailleurs, à chaque fois qu'on me parle du groupe d'établir ou que certaines personnes qui font partie de ce groupe viennent me voir pour essayer de me montrer que c'est bien d'être tabliri et qu'il faut adhérer à ce groupe, parmi les arguments que je cite, je leur demande, mais votre groupe, il a apparu quand? Qui est le fondateur du groupe? Qui? Juste, je ne veux pas savoir sa croyance. Je veux juste savoir son nom. Qui est le fondateur du groupe? Et ils vont te dire, c'est le cheikh Mohamed Ilyes. C'est bon, khalas. Comment ça, c'est bon? C'est bon, khalas. C'est fini pour moi. Ça suffit pour moi. Mais tu n'as même pas parlé de sa croyance. Mais ça me suffit. À partir du moment où tu me parles d'un groupe qui a été fondé par autre que Mohammedun sallallahu alayhi wa sallam, jamais de la vie je rentre avec toi. Jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit tous dans le feu, la communauté qui se divise en 73 groupes, tous dans le feu sauf un. Quel est le groupe sauvé au messager d'Allah? Ceux qui ont la même pratique que moi et mes compagnons. Taïb, tu viens me ramener un groupe qui a été fondé par un homme autre que Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, ma'a salama. Je prends pas. Juste ça, ça suffit. Taïb, revenons à notre sujet. Al-Hafiz an-Nawawi rahimahullah qui nous dit babu ma yubahu min al-riba. Le chapitre concernant la médisance qui est permise. Quand est-ce que la médisance va être permise? Avant cela, durant les jours précédents, on a vu la médisance interdite. On a vu énormément de preuves qui nous montrent que la médisance est interdite, que nous devons faire très attention, que ceci est un grand péché. Nous n'avons pas le droit de parler sur nos frères injustement. Même si tu dis la vérité sur lui, si ce que tu dis ne lui plaît pas, ceci s'appelle de la médisance. Et cela est un grand péché. Tayyib, après cela, il nous dit, Al-Hafiz an-Nawawi rahimahullah, i'lam, an al-ghibata tubahu li gharadin sahihin shar'iyyin, la yumkinu al-wusul ilayhi illa biha. Sache que la médisance va être permise pour une raison, une bonne raison qui est légiférée. Et nous ne pouvons arriver à cette raison, à cet objectif, que par la médisance. Et donc là, on comprend bien. Les frères, ce sujet est très important parce qu'on peut rapidement glisser. Chaussée glissante. Fais très attention quand on aborde le sujet de la médisance. Et donc ici, il a mis des conditions. Il nous a dit, premièrement, il faut que la raison pour laquelle tu vas médire de cette personne soit une bonne raison légiférée. Bonne raison légiférée. Ça veut dire, ne me cite pas une bonne raison selon toi. Selon moi, je pense que là, je pouvais parler parce qu'il a parlé sur moi. Faux, mauvaise réponse. Ce n'est pas une bonne raison selon toi. C'est une bonne raison légiférée. Ça veut dire que il te faut une preuve du Coran ou de la Sunna qui montre que dans tel cas, tu as le droit de parler sur la personne. Et donc ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il nous dit que le seul moyen d'arriver à cette raison-là, c'est la médisance. Ça veut dire que si tu peux éviter la médisance, tu n'as pas le droit de la faire. Si tu peux éviter la médisance, tu n'as pas le droit de la faire. Et ensuite, il dit, Hafidh an-Nawawi rahimahullah wa huwa sittatu asbab. Et donc, il y a sept raisons qui vont nous... Il y a sept raisons pour lesquelles nous pouvons parler des personnes, des musulmans. Là, vous m'entendez assez fort ou pas? Subhanallah, il faut que j'arrête de traduire 7 par 6, 7 par 7. Excusez-moi, c'est un réflexe. 7 en français, ça donne 7. Mais c'est 6. Donc, il y a 6 raisons qui nous permettent. Donc, il y a 6 raisons pour lesquelles nous pouvons parler sur quelqu'un. Voyez, quelles sont ces 6 raisons? El awwalu at-tadhallum. فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه فيقول ظلمني فلان بكذا. Et donc la première raison, c'est l'injustice. L'injustice. Il est donc permis à l'opprimé de rechercher son droit, son haq, concernant celui qui lui a fait une injustice auprès du gouverneur, du juge ou autre que cela, parmi toute personne qui a une responsabilité, un pouvoir, la capacité de rendre justice à cet opprimé face à celui qui lui a fait injustice. Il va donc dire au juge, ou au policier, ou à autre, un tel m'a fait injustice en me faisant ceci et cela. Et c'est pour ça que je vous dis, lorsqu'une personne vient vous voir pour médire sur votre frère, pour vous dire un tel m'a fait ci, m'a fait ça, mon époux m'a fait ci, m'a fait ça. Écoute, Ourti, ce que mon mari m'a fait, Allahul Musta'an. Et le frère qui va dire, écoute mon frère, ce que ma femme m'a fait. Tu arrêtes tout de suite la personne, tu lui dis, est-ce que je suis policier? Est-ce que je suis juge ou gouverneur? Non, khalas. C'est pas à moi que tu dois te plaindre. Ce n'est pas à moi que tu dois te plaindre. Je ne veux pas tomber dans le péché. Comme on a vu tout à l'heure, on a vu donc on a vu l'interdiction de la médisance. Ensuite, on a vu l'interdiction d'écouter la médisance. Celui qui écoute aussi la médisance va être pécheur. Et donc, on va avoir plusieurs cas où cela va être permis. Si tu ne rentres pas dans un de ces cas-là, il faut que tu mettes un stop à la personne. Tu dois lui dire, stop, arrête-toi là, ne me parle pas de ton mari ou de ton épouse ou de qui. Non, je ne veux pas tomber dans ce péché. Tayyib, Athani, le deuxième. El isti'anatu ala tahyir il munkar. Le fait de s'entraider pour changer un mal. Et ici, les frères, il y a une grande ambiguïté, un grand point d'interrogation, parce que c'est là que Shaitan y rentre avec beaucoup de personnes qui s'affilient à la Sunna. Beaucoup. À chaque fois qu'ils vont faire de la médisance, est-ce que c'est permis? Oui, mais là, c'est pour changer un mal. Toyib. Alors, il nous dit le Hafiz al-Nawawi. Wa raddi al-'asi ila as-sawab. فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر فلان يعمل كذا فاسجره عنه ونحو ذلك ويمكن ويكون مقصوده التوسل إلى إزالة المنكر فإن لم يقصد ذلك كان حراما. Et donc il dit ici الحافظ النووي, donc le fait que on s'entraide pour changer un mal et le fait d'aider la personne à délaisser ses péchés et revenir vers le bien. Elle va donc dire à une personne dont elle espère qu'elle a la capacité d'enlever ce mal, elle lui dit, un tel fait tel et tel péché ou telle et telle mauvaise chose, alors blâme-le et fais qu'il arrête cela. Fais qu'il arrête cela. Et donc ici, barakallahu fikoum, les frères, tu dois te diriger vers une personne dont tu sais qu'elle a la capacité d'enlever ce mal. Une personne, j'insiste, qui a la capacité d'enlever ce mal. Ton époux t'a fait une injustice. Tu vas te plaindre à une sœur. Est-ce que cette sœur, elle a la capacité d'enlever ce mal? Cet époux qui t'a fait une injustice. Donc, on a déjà vu plus haut, tout à l'heure. Elle ne travaille pas à la police, elle n'est pas juge, elle n'est pas gouverneur. Et maintenant, est-ce qu'elle a la capacité d'enlever ce mal? Tu vas voir le père de un tel. Parce que un tel, tu l'as conseillé. Tu lui as dit, « Yahitakillah, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Ton comportement avec ton épouse, crains Allah Azza wa Jal, etc., etc. » Rien à faire. Il continue son mauvais comportement. Tu te dis, comment on va faire pour aider ce frère à arrêter? Il n'écoute personne. Ah oui, il y a une personne qui l'écoute. Son père. Son père. C'est le seul moyen. Et rappelez-vous, il nous a dit plus haut, c'est le seul moyen pour arriver à cet objectif. Il n'écoute que cette personne. Là, on va voir le père, on lui dit, « Ya Achir, il y a un problème avec ton fils, c'est ça, ça, ça, ça, ça. Est-ce que tu peux l'aider à arrêter ça, etc., etc. » Et là, le père, il va s'occuper de son fils afin qu'il arrête cette injustice. Et donc, il est important qu'on comprenne ici, barakallahu fikoum, le fait que quand tu veux aller voir une personne par rapport au fait qu'une autre fait des injustices, mais tu veux avoir un système d'entraide avec cette personne pour que l'autre arrête son injustice, il y a une condition. Quelle est cette condition? C'est qu'on ne peut arriver à cet objectif qu'en passant par cette personne. Ça veut dire que déjà, toi-même, tu as essayé de parler à la personne. Tu as essayé de parler à la personne. Hein? C'est pas « j'ai un problème avec tel responsable de Fourcon. Pour régler le problème, qu'est-ce qu'on va faire ? On va parler avec un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Et ensuite, on règle le problème. C'est « mimbebe ta'aouni ala albiri wa taqwa ». On va nous dire « c'est une entraide dans le bien et dans la piété ». On va vous dire « non, c'est une entraide dans le péché et la médisance ». Pourquoi ? Est-ce que tu as été voir le responsable ? Est-ce qu'il y avait un autre moyen que la médisance pour arriver à ton objectif? Et donc, ne laissez pas Shaitan jouer avec vous, avec ce sujet-là. Ta'awun ala albirri wa taqwa. Oui, on veut ta'awun ala albirri wa taqwa. Personne ne va vous dire que c'est interdit. Mais il y a des conditions. Est-ce que tu as déjà conseillé la personne individuellement? Et d'ailleurs, il nous dit, le Hafiz al-Nawawi, après cela, il nous dit, wa maqsuduhu at-tawassulu ila izalatil munkar, fa in lam yaqsid dhalika kana haraman. Et l'intention de la personne, lorsqu'elle fait cela, lorsqu'elle va voir une autre personne pour lui dire, un tel fait ceci, un tel fait cela, son intention. Et là, qui connaît ton intention? C'est toi qui connais ton intention. Tu fais très attention à cela. Son intention à cette personne est de s'entraider pour enlever le mal. Et tawassulu li izalatil munkar. Tu ne cherches pas à rabaisser la personne. Tu ne cherches pas à ce que l'autre personne à qui tu as parlé de la première ait ensuite une mauvaise image de cette première personne. Hein? Ou alors les conflits parfois entre les étudiants. On va aller voir Cheikh pour parler à Cheikh de l'erreur de tel talib pour que le Cheikh ait une mauvaise opinion de tel talib. Et donc, il faut que tu fasses très attention à ton intention. Si tu as une mauvaise intention, tu es dans le péché. Donc, Al-Hafiz al-Nawawi, il nous cite tous ces éléments-là. Et après, seulement après, il nous cite les preuves. الثالث. Donc, la troisième raison pour laquelle il est permis de parler d'une personne. الثالث الاستفتاء. Et donc, troisièmement, donc, الاستفتاء, le fait de demander une fatwa. فيقول للمفتي ظلمني أبي أو أخي أو زوجي. Et donc la personne va dire au mufti, la personne qui est capable de lui émettre une fatwa, elle va lui dire mon père ou mon frère ou mon époux ou alors mon épouse أو فلانٌ بكذا. Et donc un tel m'a fait une injustice en faisant ça, ça, ça ou ça. فهل له ذلك. Est-ce que cela lui est permis ou pas? Donc ça c'est un exemple de question. وما طريقي في الخلاص منه. Et comment est-ce que je peux me débarrasser de cela? Comment est-ce que je peux me sortir de telle situation? وتحصيل حقي. Comment est-ce que je peux obtenir mon droit, ce que je mérite? ودفع ظلمي. Et comment est-ce que je peux rejeter cette injustice? ونحو ذلك. Et autre que cela parmi les questions que les gens peuvent poser. Le Cheikh Al-Hafiz An-Nawawi rahimahullah, il nous dit فهذا جائز للحاجة. Elle nous dit cela est permis dans la nécessité. Et on met bien entre parenthèses dans la nécessité. Pourquoi? On va le voir. Il nous dit ولكن الأحوط والأفضل أن يقول ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا. Il dit Al-Hafidh al-Nawawi, mais le mieux, c'est que dans ta question, au lieu de dire mon père m'a fait, mon frère m'a fait, mon épouse, tu dis qu'est-ce que tu penses d'une personne ou d'un homme ou d'un mari qui a fait ça et ça et ça. Comme ça, la personne que tu interroges, elle ne sait pas de qui tu parles. Surtout que nous, on est là tous ensemble à Bruxelles, on se connaît un peu tous. On se connaît un peu tous. Tu n'as pas besoin de me dire « Abou Foulen m'a dit telle chose et telle chose. Est-ce qu'il a le droit de me dire ça et de me faire ça ?» Non, tu me dis « Quel est le jugement d'un frère qui dit ça à son frère ?» Tu n'as pas besoin de citer de nom pour arriver à la réponse. Puisque le nom ne va pas changer la réponse. Le nom de la personne ne va pas changer la réponse. C'est la parole ou l'agissement de la personne qui compte. Et donc, on n'a pas besoin de son nom. On n'a pas besoin de savoir qui c'est. Et donc là, à partir de là, on revient à ce qu'on a cité précédemment. C'est qu'il nous est permis de parler sur la personne si... Le seul moyen qui nous permet d'arriver à notre objectif légiféré est de parler sur elle. Là, on peut très bien éviter cela. Et donc, on l'évite. Il dit فَإِنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ الْغَرَضُ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ وَمَعَ ذَلِكَ فَالتَّعْيِينُ جَائِزٌ كَمَا سَنَذْكُرُهُ فِي حَدِيثِ هِنْدٍ Inch'Allah ta'ala. Et donc ici, nous dit le Hafiz al-Nawawi. Et donc, il est possible d'arriver à notre objectif sans citer le nom de la personne. Lorsqu'on pose une question à un mufti, attention, on pose une question à une personne qui est capable de répondre à nos questions dans la législation. Ce mufti, soit ça va être un mufti mujtahid, celui qui fait des efforts pour répondre et donc pour des efforts juridiques, dans les divergences, etc. Il se peut que ce mufti ne soit pas à ce niveau-là. C'est un talibou ilm qui aide, qui a étudié, et qui va répondre aux questions des frères quand il connaît la réponse. Et quand il ne connaît pas la réponse, il dit « Attends, je vais demander à Cheikh un tel. Attends, je vais demander à Cheikh un tel. » Lui aussi, il va avoir ce rôle. Tu peux aller le voir pour lui poser des questions. Et donc, à partir de là, il nous dit, Hafiz al-Nawawi, que malgré cela, il est permis de citer le nom de la personne. Et donc le mieux, c'est de ne pas le citer. Mais malgré cela, il est permis de citer son nom, comme nous allons voir dans le hadith de Hind, Incha'Allahu Ta'ala. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il a cité toutes les mesail, tous les sujets, et ensuite il a cité les preuves. D'accord ? Donc on voit les six sujets, et après on verra les preuves qui sont liées à ces six sujets, bi'idnillahi ta'ala. Tayyib, Ar-Rabi'a. Quatrièmement, et celui-là, il est long, ce sujet-là est le plus long. تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم وذلك من وجوه. Le fait, subhanallah, Al-Hafidh al-Nawawi, dans son livre, il a fait en sorte que ce sujet soit le plus long parmi donc les sujets où il est permis de parler sur une personne. Parce que ce sujet, il est important. Il y a beaucoup d'ambiguïté. Il y a des exagérateurs qui vont mettre en garde sur tout le monde. Il faut parler sur tout le monde. On ne laisse personne. On ne laisse personne. Et donc, ça va être de l'exagération dans la mise en garde. De l'exagération. La hawla wa la quwwata illa billah. Et on a la négligence. La négligence, on ne met en garde sur personne. Ou alors, on met en garde que contre ceux qui ont des déviances dans les noms et attributs. Que ceux qui sont dans le Mu'tazila, le Jahmiya, etc., etc., etc. Ou que ceux qui ne s'affilient pas à la Salafia. À partir du moment où il te dit « Je suis Salafi », tu n'as pas le droit de mettre en garde contre lui. Tu n'as pas le droit. À ce moment-là, subhanallah, il y a énormément d'injustices qui sont produites par des personnes qui se disent salafis. De la même manière qu'il y a énormément d'injustices et de déviances qui sont faites par des personnes qui se disent musulmans. Hein? Quand j'étais pas musulman et que je cherchais sur l'islam, je voyais des terroristes. On voyait dans les médias des terroristes, ils ont fait ci. Je me rappelle encore de la première fois dont j'ai entendu parler des musulmans. Je savais pas qu'il y avait des musulmans sur Terre. J'étais sur mon île en Martinique. On n'était que des chrétiens. Je ne savais même pas qu'il y avait des musulmans. On me dit, 11 septembre, vous avez... Ah, on a arrêté l'école. J'étais au collège. Plus d'école. Le prof est venu avec un écran télé. Tout le monde doit regarder le journal, ce qui se passe aux États-Unis. Oh, qui a fait ça? C'est des musulmans. C'est la première fois que j'ai entendu parler de l'islam et des musulmans. Et c'est après ça que j'ai cherché. Et donc, heureusement qu'il y a les musulmans qui ont mis en garde contre les musulmans. Heureusement que les musulmans ont mis en garde contre les mauvais musulmans. De la même façon, heureusement que les salafis mettent en garde contre les mauvais salafis. On ne peut pas laisser les gens comme ça salir cette voie prophétique. Sous prétexte qu'il s'affilie à la salafia, khalas, humilité, on ne peut plus parler sur moi. Fini. J'ai l'humilité diplomatique. Et donc, les frères, c'est important, barakallahu fikoum, qu'on apprenne. Tayyib, donc il nous dit le Hafidh al-Nawawi. Tahdhiru al-muslimin min ash-sharri wa nasihatuhum wa dhalika min wujuh. Le fait de mettre en garde les musulmans contre le mal et d'être honnête, sincère envers eux, nasihatuhum, le fait d'être honnête et sincère. Et cela peut se faire donc de plusieurs façons, dans plusieurs cas. Minha jarhul majruhin min ar-ruwati wash-shuhudi wa dhalika ja'izun bi ijma'il muslimin bal wajibun lil haja. Le fait de critiquer, el jarh, le fait de critiquer ceux qui ont été critiqués parmi les narrateurs de hadith, minar ruwat, parmi les narrateurs de hadith, ainsi que les témoins, toute personne qui va témoigner de quelque chose. Exemple, on a un frère, Abdul Fattah, qui se plaint de Abdul Aziz. Que Abdul Aziz l'a insulté et c'est une insulte qui est grave. Abdulaziz, il dit non, j'ai pas fait ça. Abdul Fattah, il dit wallah, il l'a fait. Abdulaziz, wallah, il ne l'a pas fait. Tayyib, la preuve, est-ce que tu as des témoins? Oui, j'ai deux témoins. Abdul Jabbar et Abdul Muhsin. On va voir Abdul Jabbar et Abdul Muhsin. Est-ce que c'est vrai que Abdul Aziz a insulté Abdul Fattah de telle insulte? Oui, c'est vrai. Les deux ils disent oui, c'est vrai. Et c'est là qu'on nous dit attention, ces deux témoins-là, on les connaît. C'est leur travail, faire des faux témoignages. Et ils ont ci et ça dans la pratique. Leur témoignage n'est pas accepté parce qu'on n'accepte pas les témoignages de n'importe qui. Et donc là, on peut critiquer cette personne par rapport à son témoignage. Le fait que son témoignage ne sera pas accepté. Et même chose pour les narrateurs de hadith. Le narrateur de hadith, aujourd'hui, si on a ce livre qu'on étudie, Riyad al-Salihin. On étudie Riyad al-Salihin. Qu'est-ce qui nous a permis d'étudier ce livre? C'est qu'il y a des narrateurs de hadith qui ont voyagé sur terre, ils ont appris des hadith et ensuite ils les ont transmis. Tayyib, parmi ces narrateurs, il y en a qui étaient bons, il y en a qui étaient mauvais. Mauvais pour plusieurs raisons. Soit il est mauvais parce qu'il est dans une secte et donc on ne peut pas le faire confiance. Soit il est mauvais parce qu'il n'est pas méchant. Comme parfois ça arrive, les savants qui critiquent un narrateur qui vont dire « Kana salihan » Il était pieux. Il était pieux. Mais dans le hadith, non, il n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il ne mémorisait pas bien les hadiths. Parce que là, on parle de dîn. Il faut qu'il mémorise bien les hadiths. On ne peut pas accepter. C'est comme une personne dans le commerce. Tu as un frère, tu vois que c'est un frère, mashallah, à la khair, il est vraiment bien, mashallah. C'est un frère, il ne fait pas de péché, ou alors du moins, on ne le voit pas dans les péchés, etc., etc. Il est bien, il a un très bon comportement. Mais par contre, dès que tu lui confies une tâche dans le commerce, Allah al-Musta'an, il te ramène avec des pertes, à chaque fois. Ce n'est pas un bon commerçant. Et donc, on va dire, c'est un frère à la khair, mais par contre, pour ça, on va lui donner un autre travail, inshallah, pas le commerce. D'accord? Et donc, par rapport à la narration de hadith, il y a plusieurs raisons qui font que ce narrateur, on ne peut pas prendre de lui. Parmi les personnes qui sont dans ce cas-là, on a qui? Parmi les personnes qui sont dans ce cas et qui sont très connues, Abu Hanifa. Abu Hanifa, rahimahullah, fait partie des imams de la communauté musulmane dans le fiqh. Connu pour le bien, Abu Hanifa, rahimahullah. Mais par contre, ces hadiths ne sont pas acceptés. Parce que le hadith, ce n'est pas son domaine. Et donc, il y a des raisons qui font qu'un narrateur, on ne peut pas accepter son hadith. Parce que, soit il est connu pour le mensonge ou autre raison. Il y a plein de raisons. Et donc là, il nous dit, le Hafiz al-Nawawi, rahimahullah, il nous dit, cela est permis selon l'unanimité des musulmans. L'unanimité, les frères. Aujourd'hui, les gens veulent nous faire croire que c'est la yajouz de critiquer quelqu'un. Ils te disent à chaque fois, c'est de la médisance, la yajouz. Unanimité que c'est permis. Comme il nous dit le Nawawi, rahimahullah. Elle nous dit, bel wajibun lil haja. Plus que cela encore, c'est obligatoire. C'est obligatoire à cause de la nécessité. Pourquoi c'est obligatoire, les frères? Pourquoi c'est obligatoire? À cause du mal que ça peut engendrer. Qu'est-ce que ça peut engendrer comme mal? Le fait de mentir sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le fait d'attribuer au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une parole qu'il n'a jamais dite. Tout ça parce qu'on n'a pas voulu critiquer un narrateur qui était faible. Et c'est pour ça que parfois tu vas trouver chez certains qui ont critiqué leur propre père. Leur propre père. On lui demande sur son père, il dit non, je ne réponds pas. On lui redemande encore sur son père, non, je ne réponds pas. Et ensuite, il dit, cela fait partie de la religion. Ce sujet fait partie de la religion. Abi da'if. Mon père est faible. Ces hadiths ne sont pas acceptables. Et donc il continue, le Hafiz an-Nawawi rahimahullah, il nous dit minha al-mushawaratu fil musahara fi musaharati insan aw musharakatihi aw ida'ihi aw mu'amalatihi aw ghayri dhalik aw mujawaratihi wa yajibu 'ala al-mushawari an la yukhfiya halahu bal yadhkuru al-masawi'a allati fihi biniyatin nasiha. Mashallah, ça c'est un sujet important. Il nous dit, parmi les sujets où il va être permis de parler une personne pour mettre les musulmans en garde contre cette personne, il y a donc le mariage. Le mariage avec une personne. Ou alors le fait de s'associer avec une personne. Tu sais qu'un tel, c'est un voleur. Il a déjà arnaqué des gens. Hein? Il a déjà arnaqué des gens. Et il veut s'associer avec ton frère. Est-ce que tu vas dire, non, c'est de la médisance, je ne vais pas prévenir mon frère? Bien sûr que tu vas lui dire. Tu vas lui dire, attention, ne t'associe pas avec un tel, ça. Mais tu as des preuves, ce n'est pas des on-dit. Tu as des preuves. Si ce sont des on-dit, ne parle pas. Ne parle pas, on ne se base pas sur des on-dit dans la religion. Et donc, le fait de... Donc, on a le mariage. Il n'y a pas longtemps, par rapport à une affaire de mariage... Ici, j'ai demandé à un frère, viens témoigner sur un tel. Fais-toi plaisir, lâche-toi, c'est le moment. Bismillah, fais-toi plaisir. Dis tout ce que tu as à dire. Malgré ça, est-ce qu'il peut tout dire? Non. Il ne peut pas tout dire. On va voir, Inch'Allah Ta'ala. Et donc, il dit, Al-Hafiz an-Nawawi, le fait, donc le mariage, ou l'association, ou alors de laisser un dépôt à une personne, ou le fait donc d'échanger des choses, d'échanger quoi que ce soit avec cette personne, ou autre que cela. Ou même le fait d'être son voisin. Et certes, il est obligé, il est obligatoire à la personne dont on lui demande son conseil, dont on lui demande son avis, de ne rien cacher de la situation de la personne. Mais au contraire, il doit citer les défauts de la personne. Et ici, j'attire votre attention. Bel yadhkurul masawi al-latifihi. Il cite les défauts que la personne a. Il n'a pas dit bel yadhkurul masawi al-latikanet fihi. Il n'a pas dit il cite les défauts que la personne avait. Il a dit les défauts que la personne a. Et ça, on a un gros problème. Un frère qui était marié, hein? Il est tombé dans des erreurs, des péchés. Aujourd'hui, il n'est plus marié. Tab ila Allah tabaraka wa ta'ala. Il s'est repenti. Aujourd'hui, il cherche à se marier. Est-ce qu'il nous est permis de dire « Ouais, mais attention, il a fait tel et tel péché. » T'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Le frère s'est repenti. Il a délaissé cela. Il a arrêté ce péché. Tu n'as pas le droit. Même chose pour une sœur. La yajouz. Ne me dis pas oui, mais il a fait. Non. Aujourd'hui, quelle est la situation de cette personne? Est-ce qu'il continue? Non, il ne continue pas. Il ne t'est pas permis de parler sur elle. Il ne t'est pas permis de parler sur cette personne. Et donc ici, les propos de l'Hafidh an-Nawawi rahimahullah sont très précis. Ils sont très précis, mashallah, et c'est très important. Et donc, il nous dit, la personne, elle doit faire tout cela avec intention de conseil, de sincérité, d'honnêteté. Non. Si, par exemple, maintenant, celui qui a fait tomber par rapport à ça, est-ce qu'on peut patienter en espérant que ses efforts ils continuent et puis aide le conseiller pour mariage? Et donc, alors, par rapport à celui qui est tombé dans une situation lourde, des grands péchés, même bida, etc., etc. Alors là, l'imam Ahmed, rahimahullah, il dit qu'on attend un an concernant la situation de la personne. Un an pour voir si, effectivement, elle s'est bien repentie, etc., etc. Ça, c'est la limite qui a été donné par l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Taïb. Et après cela, si on voit du bien sur la personne, etc., tu n'as pas le droit de dire « Ouais, mais il a fait, mais il a fait, mais il a fait. » Non. « Wa minha » Et donc, il continue. On est toujours sur le fait de critiquer une personne. Et nous dit l'Hafidh al-Nawawi « Wa minha idha arada mutafaqihan yataraddadu ila mubtadi'in aw fasiqin ya'khudhu anhu al-ilm wa khafa an yatadarrara al-mutafaqihu bidhalik fa'alayhi nasihatuhu bibayani halihi bisharti an yaqsida an-nasihata. Subhanallah al-Jalal. Une parole avec maîtrise, précision, dikka. Il nous dit, Hafiz al-Nawawi, lorsqu'une personne, un demandeur de science, mutafaqih, une personne qui veut étudier, elle va voir un innovateur, un mubtadi', ou alors un fasiq. On va expliquer c'est quoi un fasiq. Faut pas qu'on m'excuse d'avoir insulté qui que ce soit. C'est quoi un fasiq, les frères? Un fasiq, un grand transgresseur. Exemple. Un innovateur, c'est un fasiq. Ensuite, celui qui fait des grands péchés, c'est un fasiq. Des petits péchés qu'il répète, c'est un fasiq. Taïb. Et donc, un fasiq, les frères, ce n'est pas une insulte. Aujourd'hui, des gens qui ne connaissent pas les termes de notre religion, qui ne lisent peut-être pas le Coran suffisamment pour voir le nombre de fois que le mot fasiq a été écrit dedans, pensent que si tu dis qu'une personne est un fasiq, ça veut dire que tu as insulté la personne. Or, Allah tabaraka wa ta'ala n'insulte pas. Et donc, ici, il nous dit... Al-Hafiz al-Nawawi, si tu vois donc un étudiant qui va voir un mubtadi' ou un fasiq pour prendre la science de cette personne, et que tu penses que cet étudiant va, donc cela va lui faire du mal, cela va lui faire du mal lorsqu'il va étudier cette personne, alors là, il t'est obligatoire, fa'alayhi, il t'est obligatoire d'être sincère, honnête, de conseiller cette personne, attention, en expliquant la situation de la personne que tu critiques. Tu viens pas, tu dis « Sofouk ». Tu viens pas, tu dis « Ah, il sait que jouer au football. Ah, si. » Non, tu viens expliquer le hal de la personne. Ramène-nous quelque chose de concret. Il faut arrêter de parler sur tout le monde comme ça, justement. On a une personne qu'on veut critiquer, qu'est-ce que... Ça, c'est fini. Et donc là, il nous dit, l'Hafidh al-Nawawi rahimahullah, qu'on explique la situation de cette personne. On ramène donc les preuves et les arguments. Jazakumullahu khayran. Alors ici, il continue donc Al-Hafidh al-Nawawi. Et il nous dit à condition que l'intention de celui qui critique, c'est le fait d'être sincère et honnête. An-nasiha. An-nasiha, les frères, le fait d'être sincère et honnête. Je ne vais pas critiquer un tel pour que les gens de Bruxelles viennent étudier chez moi. Moi, je veux avoir tous les toulebs de Bruxelles. Et il y a d'autres prédicateurs. Comment je fais? Je vais critiquer les autres prédicateurs. Celui qui fait cela n'a rien compris. Et donc, il ne t'est pas permis de critiquer qui que ce soit avec une mauvaise intention. Ton intention, c'est l'honnêteté, la sincérité. Parce que effectivement, tel et tel prédicateur a une erreur qui est grave, qui peut être un danger pour les musulmans. Alors là, oui. Oui, tu vas parler. Si ton intention, c'est que tu veux avoir plus de etba, tu veux avoir plus de personnes qui te suivent, là, il y a juz. C'est interdit de parler, même si ce que tu as dit est vrai. Subhanallah. Il se peut que la personne, elle critique une autre en étant véridique. Ça veut dire que ce qu'elle dit dans sa critique est vrai. Mais elle avait une mauvaise intention. Son intention, c'était que les gens reviennent vers elle. À ce moment-là, on lui dit « La yajouz, c'est pas permis que tu parles, même si ce que tu dis est vrai. » Subhanallah. L'intention dans notre religion, elle est trop importante. Trop, trop importante. « Wa hadha mimma yughlatu fi » Il nous dit le Hafiz al-Nawawi, et cela est le sujet dans lequel on se trompe. Ça veut dire dans lequel beaucoup de gens se trompent, ce sujet-là. « Wa qad yahmilu al-mutakallimu bidhalika al-hasad » وَيُلَبِّسُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ ذَلِكِ وَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ نَصِيحَةٌ فَلْيُتَفَطَّنْ لِذَلِكِ سُبْحَانَ اللَّهِ Il dit le Hafiz al-Nawawi, il se peut que ce qui pousse l'individu à parler, c'est la jalousie. Il est jaloux de tel et tel prédicateur. Pendant un moment en France, c'était comme ça les frères. Pendant un moment, je vous le dis, en France, Allahul Musta'an, on avait certains prédicateurs, Charlouhumu Sharil, les seules choses dont ils savaient faire, c'était critiquer les autres. À chaque fois qu'ils allaient voir les gens de science, alors comment ça se passe en France? Ah, Cheikh, Fi, Foulen, un tel, et si, et ça, et si, et ça. Que des méchakil. Comme s'il n'y a pas de khir. Que des méchakil à chaque fois. À chaque fois, il faut. Tacler, il faut tacler. C'est des tacleurs. Subhanallah, on avait ce problème en France. La fitna de Mohammed Ben Hadi est venue. Mashallah, purification des rangs. Ils sont tous partis là-bas. Alhamdoulilahi Rabbil Alamin. Laissez-les là-bas. En plus, maintenant, ils ne font pas de douloureux, ils ne font rien du tout. Ils sont coupés dans leurs problèmes. Alhamdoulilah, c'est fini cette ambiance. En France, il y avait une ambiance, les frères. C'était les snipers. Les snipers, dès que tu bouges, t'es dans mon viseur. Les snipers, pas droit à l'erreur, la moindre faute, bam, dans le front la balle. Aujourd'hui, alhamdoulillah, purification des rangs, mashallah, les toulabs ils sont là, ils s'entraident entre eux, alhamdoulillah, rabbil alamin, il y a des daourats, des séminaires, parfois on ne va pas être d'accord sur certains sujets. Oui, ça arrive, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais alhamdoulillah, l'entraide elle est là, les frères ils avancent, on cherche à ce que la da'wa elle avance, alhamdoulillah, rabbil alamin. Avant, c'était pas possible ça avant, il y avait trop de snipers, la moindre erreur, bam. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que les gens se critiquent comme ça autant? Et c'est pour ça que le Cheikh Ubaid al-Jabiri hafidhahullah, il dit de ce genre de personnes que c'est la jalousie qui les pousse à cela. C'est la jalousie. Et c'est pour ça que les ulama, Cheikh Ubaid, Cheikh Abdullah al-Bukhari, lorsqu'il y a eu la fitna d'Ibn Hadi, ils ont beaucoup parlé de ce sujet, la jalousie. Attention, la jalousie fait des dégâts. La jalousie, elle a été la cause du premier meurtre sur terre. La jalousie, elle a été la cause du fait que Shaitan refuse d'obéir à Allah. Le premier péché. Le premier péché. La première désobéissance à Allah, la jalousie. Premier meurtre sur terre, la jalousie. Et donc aujourd'hui, ne pense pas qu'une personne qui prêche, une personne qui donne des douces, ne pense pas qu'il ne peut pas être touché par la jalousie. Ne pense pas. On est des êtres humains, les frères. On est des êtres humains. Et donc, lorsque ton frère, il vient te parler sur un tel, fais très attention. Et c'est pour cela qu'il dit, il rajoute cette précision très importante, il dit, il se peut que ce qui pousse l'individu à parler, donc à parler sur un autre, ça soit la jalousie. Et Shaitan, il va donc tromper la personne. Et la faire croire qu'elle fait cela en toute honnêteté. Shaitan, il vient tromper la personne. Mais non, c'est bon, t'inquiète pas. Tu fais ça pour sincérité, c'est bon, t'inquiète pas. Alors c'est la jalousie, c'est de la jalousie qui le pousse. Mais Shaitan vient tromper la personne. Alors il dit, le Hafiz al-Nawawi, fel yutafattan lidhalik. Alors nous devons faire attention à cela. Nous devons faire attention à cela. Wa minha an yakuna lahu wilayatun yakumu biha ala wajhiha imma. Oh, excusez-moi, je pense qu'il y a un mot que j'ai oublié. Voilà. La yakumu biha ala wajhiha imma bi an la yakuna salihan laha wa imma bi an yakuna fasiqan mughaffalan wa nahwu dhalika fayajibu dhikru dhalika liman lahu alayhi wilaya ammatan liyunazzila liyuzilahu wa yuwalli man yasluhu aw ya'lamu dhalika minhu liyu'amilahu bimuqtada halihi wa la yaghtar bihi wa an yas'a fi an yahuthahu 'ala al-istiqamati aw yastabdil bihi. Subhanallah. Franchement, c'est étonnant la précision dans les propos. Vraiment étonnant la précision dans les propos. Qu'Allah facilite. Alors, il dit rahimahullah. Donc parmi les causes qui font que une personne va critiquer une autre, il y a le fait qu'une personne ait un poste à responsabilité, qu'elle n'assume pas correctement. Alors, à ce moment-là, donc qu'elle n'assume pas correctement, soit parce qu'en réalité, elle ne convient pas à ce poste. Salih, c'est quelqu'un qui est bien. Il est bien, mashallah, on n'a rien à dire, bon comportement, etc. Mais il ne convient pas pour ce poste-là. Ou alors, il se peut que ce soit une personne qui soit fasiq, un grand transgresseur. Donc là, il ne convient pas pour ce poste-là. Ou alors un mourafel, un insouciant. Il est insouciant. Un irresponsable. Tu ne peux pas confier un poste à responsabilité à un irresponsable. Et donc, ou autre que cela, alors il nous dit, le Hafiz al-Nawawi, à ce moment-là, il est obligatoire d'en parler à celui qui a une autorité sur lui afin qu'il le fasse partir. Et qu'il mette à sa place une personne d'autre qui convient. Ou alors, donc là, il va en parler à une personne d'autorité afin que cette personne d'autorité le fasse partir et mette une autre personne à sa place. Ou alors que juste pour que cette personne qui a l'autorité, elle ne l'enlève pas de sa place, mais elle connaisse sa situation. Et qu'elle va interagir avec elle en fonction de sa situation. Maintenant, la personne qui a l'autorité, elle sait qu'un tel, il a telle et telle erreur, et donc elle va agir en fonction. Elle va lui donner moins de travail ou autre, etc. Elle va agir en fonction. Elle ne va pas le virer, elle ne va pas le faire partir de son poste, mais elle va lui donner moins de fonctions ou autre. Et il ne va pas être leurré par cette personne. Et afin qu'il ne soit pas leurré par cette personne. Wayasa. Et ça, c'est très important. Wayasa fi an yahuthahu ala al-istiqama. Et il va s'efforcer de l'inciter à suivre la droiture. Et c'est ça que. Et c'est là qu'on a un manquement. On voit des frères qui vont avoir un poste à responsabilité. On voit qu'il y a des erreurs. Qu'est-ce qu'on va faire? Premier réflexe, Kalachnikov, il faut qu'il parte. Alors que non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'efforcer afin de conseiller ses frères, afin qu'ils suivent la droiture. Jusqu'à ce qu'on voit que, khalas, il n'y a pas moyen, il y a trop de dégâts, c'est pas possible. Alors là, ou alors il le change. Ou alors il le change. Et donc c'est important, chers frères, qu'on fasse preuve de sagesse, qu'on ne se précipite pas dans la mauvaise critique. Il se peut que ton intention elle soit bonne, mais la méthode employée est mauvaise. El khamis. Et donc la cinquième raison pour laquelle il est permis à un individu de parler sur une autre. Donc là, on sort du sujet des mises en garde. Donc la cinquième raison, an yakuna mujahiran bi fisqihi aw bid'atihi kal mujahiri bi shurbil khamri. Et donc cinquième raison, c'est le fait que la personne ouvertement ouvertement, publiquement, montre sa transgression. Elle montre ouvertement sa transgression. Ça y est. Une personne ici qui prend un micro. Comme moi, là. Micro, on a toutes les conditions réunies. Micro, radio diffusée en direct, enregistrement. Ça, c'est Abdul Karim. Je vous donne un autre cas. Une personne qui est en Arabie Saoudite. Micro, radio, enregistrement diffusé internationalement. Là, c'est pas Abdul Karim, les frères de Bruxelles, et peut-être deux, trois frères en France, hein, un ou deux en Martinique, comme ça. Non. Internationalement. Il prend son micro et il dit Foulanoun, c'est un ahir. Fornicateur. Il nous a cité ici, c'est du fisc, c'est une grande transgression qui est devenue internationale. Que les gens après ont propagé, machallah. Que des années sont passées, que jusqu'à aujourd'hui, on n'a eu aucun repentir. Aucun. Zéro, pas une kalima. Et qu'ensuite des gens vont nous dire, ah oui, c'est pas permis de parler sur Cher. Cher. Comment ça, Cher? Et la loi d'Allah, Yami? On a oublié la loi d'Allah? Comment ça? Publiquement, avec ci, avec ça. C'est pour ça que lorsqu'il a appelé Cher Ubayd al-Jaberi, rahimahullah, en demandant à la personne qui avait. De demander à la personne qui a porté plainte, qui a demandé son droit au tribunal saoudien, est-ce qu'il peut retirer sa plainte? Le Cheikh Ubayd a donné une réponse, mashallah, de la même manière que tu as parlé publiquement, avec un micro, enregistré, à la radio, tu t'excuses publiquement, il va retirer sa plainte. Cheikh Ubayd, rahimahullah, il est mort, il n'y a toujours pas d'excuse. Parce que c'est trop difficile, c'est difficile. Après avoir insulté la personne, c'est difficile de revenir, de dire « Astaghfirullah wa atubu ilayh, j'aurais pas dû. » Mais après, les personnes qui restent fermes sur la sunna, pour montrer aux gens la vérité, on va dire « Ah, c'est eux Abdelkarim, trop dur, il a parlé sur le shir. » Il a parlé sur quel shir? Il parle sur les savants, Abdelkarim. Il a parlé sur quel savant? Celui qui a parlé, ne dis même pas son nom, dis pas son nom. Dis celui qui a parlé avec un micro et la radio enregistrée et qui a dit qu'un tel c'était un fornicateur. Dis pas son nom, dis ce qu'il a fait. Dis ce qu'il a fait. Et là, tu vas me dire après, est-ce qu'Abdelkarim il a raison ou est-ce qu'il a tort? Et donc ici, Al-Hafiz al-Nawawi rahimahullah, il nous dit que celui qui montre ouvertement sa transgression, il est permis de le critiquer. Il est permis de parler sur lui. Ou celui qui montre ouvertement sa bid'a, celui qui montre ouvertement son innovation. Comme celui qui va ouvertement boire de l'alcool. Celui qui va ouvertement boire de l'alcool. Celui qui va ouvertement agresser les gens, prendre leurs biens, être injuste. Fayajuzu dhikruhu bima yujahiru bihi. Et donc cette personne, il est permis de la citer, de parler d'elle en citant ce qu'elle a fait publiquement. Et là, attention les frères, c'est très important. Il est permis de parler de cette personne en citant le mal qu'elle a fait publiquement. Et là, on voit la précision ensuite. Il nous dit « Wa yahrumu dhikruhu bighayrihi min al-uyubi » Et il est interdit de parler de cette personne en citant autre défaut que cela. Ça veut dire que si aujourd'hui, Abdul Karim, il vient parler sur une personne qui a ouvertement pris son micro, enregistré, radio, traité un musulman de fornicateur, mais qu'Abdul Karim parle d'un péché que cette personne, elle a fait chez elle en privé, on va dire Abdul Karim, là, il y a Dieu. Là, c'est là, il y a Dieu. Là, cela n'est pas permis. Quand tu parles de ce qu'il a fait ouvertement, oui, c'est quelque chose. Ce qu'il a fait comme péché chez lui, non. Est-ce que vous avez compris? Voyez? Non. On ne cite pas son nom. S'il faut citer son nom, on cite son nom. S'il faut citer son nom, on cite son nom. Moi, ici, intentionnellement, je n'ai pas cité son nom parce que j'ai trop cité le nom. Mais s'il faut citer son nom, s'il y a un besoin, une nécessité pour mettre en garde, parce que tout le sujet dont on parle là, c'est le fait de parler d'une personne en citant son nom. Le fait de parler d'une personne en citant son nom. Quand tu vas voir toutes les mises en garde qu'il y a par rapport au narrateur, ou alors les mises en garde qu'il y a eu par rapport aux innovateurs et que les pieux prédécesseurs ont mis en garde contre eux en citant leur nom, ou alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a parlé de certains en citant leur nom. Et donc, dans certains cas, s'il y a nécessité de citer le nom de la personne, on le cite. Si on peut, éviter de citer son nom, alors là, on évite. Et donc il nous dit « Illa an yakuna li jawazihi sababun akhar mimma dhakarna ». Et donc on n'a pas le droit de parler des péchés que la personne a fait, donc des péchés qui ne sont pas publics, sauf s'il y a une autre cause, donc comme celle que nous avons citée précédemment, toutes les autres causes qu'on a citées précédemment. Toyib. Et donc sixièmement, le dernier point. At-ta'rif. Le fait, donc ce qui nous permet de reconnaître une personne. فَإِذَا كَانَ الْإِنسَانُ مَعْرُوفًا بِلَقَبْ. Si la personne, elle est connue avec un laqab, une appellation. D'accord? Exemple, on a Ibn al-Musayyab. Ibn al-Musayyab, il est connu avec cette appellation, Ibn al-Musayyab. Mais lui, il ne voulait pas qu'on l'appelle comme ça. Il voulait qu'on l'appelle Ibn al-Musayyib. Et c'est pour ça qu'il disait « Sayyab Tumouni ». Et donc celui qui est délaissé. Celui qui est délaissé. Et donc ici, Ibn al-Musayyab, mais il a été connu comme ça. Il est connu comme ça. Même tu vas voir dans les livres de hadith, etc. Parfois c'est marqué « Dabt » avec la fatha. Ibn al-Musayyab. Alors qu'il n'était pas d'accord. Mais c'est comme ça qu'il est connu. Et si tu dis Ibn al-Musayyab, certains ne vont pas savoir de qui tu parles. Yarhamukallah. Certains ne vont pas savoir de qui tu parles, tellement son nom a été propagé comme ça. Et donc celui qui est connu avec un laqab. Tel que, et donc il nous dit Al-A'mash. Al-A'mash, c'est un savant de la communauté musulmane. Al-A'mash, c'est celui qui est né avec des problèmes de vue. Et donc il y a, sa vision est faible et aussi il a beaucoup de larmes qui coulent. Wa al-a'raj. Al-a'raj, donc celui qui va être boiteux. Al-asam, al-a'ma, et donc l'aveugle, le sourd. Al-ahwal. Al-ahwal, celui qui a les yeux qui louchent. Barakallahu fik. Celui qui a les yeux qui louchent. Wa ghayrihim, et donc là, al-hafidh an-nawawi, il n'a cité que des noms. Que effectivement il y a des savants qui sont connus avec ces noms-là. Que des noms, que effectivement il y a des savants qui sont connus avec ces noms-là. Il dit, et donc, ou autre que cela, alors cela est permis. Cela est permis parce que c'est ainsi qu'ils sont reconnus. Wa yahrumu itlaquhu ala wajhi tanakkus. Et il est interdit de citer cela, donc avec intention de rabaisser la personne. Walau amkana ta'rifuhum bighayri dhalik kana awla. Et si on peut les citer et parler d'eux avec autre que cela, alors c'est préférable. Alors c'est préférable. Et donc ici le problème, c'est que parfois on va avoir des narrateurs du hadith qui ne sont connus que avec ça. Avec ces noms-là. Ou alors ils vont avoir le nom de la personne et le nom du père de la personne. est le même qu'un autre narrateur. Un autre narrateur va avoir le même nom que lui et son père va avoir le même nom que son père à lui. Comment on fait la différence entre les deux ? El Amesh. On a besoin de savoir. Il y en a un qui est fiable, l'autre n'est pas fiable. Et donc là, les savants nous disent, c'est permis. Mais on le fait avec intention de reconnaître la personne, ce n'est pas pour la rabaisser. Alors après cela, il nous dit, El Hafidhu An-Nawawi Rahimahullah Fahadihi Sittatu Asbabin Zakaraha Al-Ulama Wa Aktharuha Mujma'un Alayh. Voilà six causes que les savants ont citées et la plupart d'entre elles, les savants ont dit qu'il y a unanimité sur la plupart de ces six causes. Wa dalailuha min al-ahadith as-sahiha mashhura. Et les preuves concernant ces six causes dans les hadiths authentiques sont connues. Min dhalik. Et parmi ces preuves, et là, il commence à citer les preuves, inshallah ta'ala, et nous on va faire une courte pause et on reprend d'ici 10 minutes, Inch'Allah. On se donne 10 minutes de pause, histoire de souffler un peu. Et on reprend tout à l'heure. Inch'Allah ta'ala, wa faqallahu al-jami'a, lima yuhibbuhu, wa ardahu, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi, wa sahbihi ajma'in, jazakumullahu khairan.